Poilu, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Dixième salve. C'est la lutte finale. C'est peut-être le dernier coup qu'on boit ensemble, ça se refuse pas. Allez, grand cochon, enlève ton masque, qu'on voit au moins ta gueule avant de tous crever. Allez, vas-y. Allez. Bon, si vous voulez, si vraiment vous voulez, alors, voilà. Putain, merde. Une gueule cassée. Oh putain, tu fais peur. Comment ça t'est arrivé? Un obus, en plein dans le mille. Dès le début des hostilités. Les Allemands étaient même pas encore là. J'ai été évacué à l'arrière, Val-de-Grâce. En fait, je suis pas le caporal des Warrants. Je suis le lieutenant Romain Ajar. Et pourquoi t'es revenu au front? Je pouvais pas passer la guerre au front d'Ali. Je devais bien ça à ceux qui sont morts à mes côtés. Quand même, ça me rappelle les pays. J'ai envie de chialer, t'as presque la gueule d'un masque africain. Ah, justement, un masque. J'en ai mis un autre pour cacher le mien. Passer dans les tranchées, la nuit, ça n'a été qu'une formalité. Et voilà. Ben merde. Et toi, le spectre, tu veux aussi nous dire que t'es pas mort sous les balles, fusillé pour l'exemple? Non, non, ça c'est vrai. Mort, fusillé. Mais pas parce que j'ai déserté. Et pourquoi alors? T'es un boche. Non. Je suis juste allé me soulager derrière un bosquet, avant l'assaut. J'en pouvais plus. Je suis pas un héros. Je suis juste un type qui voulait pisser. C'est cher payé pour une vessie qui va exploser. Tu restes mon héros, le spectre. Un anarchiste aussi a le droit de pisser quand il veut, comme il veut et où il veut. Même sur moi. Moi aussi, il faut que je vous dise un truc. T'es pas noir. Parce que tu peux être con, Biribi. Je suis le seul Nguma. Il n'y a jamais eu de cousins, de frères, de pères, enfin, ici dans les tranchées. J'ai inventé ça pour me sentir moins seul. Je suis l'unique survivant de la tribu d'Nguma. Il y a d'abord eu les Boches au Cameroun qui ont massacré une partie de ma famille. Et les Français au Sénégal. Mes deux femmes, violées, tuées. Et mes 7 gosses. Alors j'ai voulu crever pour les rejoindre. C'est pour ça que je suis ici. Et je crève pas. Je crève pas. T'inquiète, ça devrait pas tarder. On va monter à l'assaut et la relève, on l'emmerde. Bon, moi aussi, il faut que je vous dise un truc. Je suis vraiment juif. Toi aussi, t'es trop con. Et trop juif. Mais je t'aime quand même. Et je dois prendre ça avec le sourire? À mon commandement, garde à vous! C'est bon, les gars, repos. On a passé l'âge de la hiérarchie. Le poète, vous venez avec moi. J'ai besoin de vous. Je vous suis, mon capitaine. Je ne m'aimais pas dans les vôtres. Et les soldats inconnus? On ne sait rien de lui au bout du compte. Pour le coup, lui-même n'en sait pas plus que nous. Je sais que vous n'êtes pas seulement un génie de l'hexamètre, le poète. Vous êtes aussi un mathématicien de première. Mais pas du tout. Ce n'est pas le moment de faire la chochotte. Coco l'oiseau, ici présente, nous a remis un code qu'elle a dérobé aux Allemands. Oui, et j'ai dû utiliser tous les moyens de la chair. Sainte Marie de l'Enfant Jésus. Le code s'appelle Enigmus. Je trouve ça stupide. Donnez-moi ça, Baron. Selon Mademoiselle l'oiseau, le tatouage du soldat inconnu sur son dos est un message codé qu'Enigmus doit pouvoir décoder. Mais personne ici, à part vous, le poète, ne peut y arriver. Ah, d'accord. Ah, hein, c'est limpide. Pas pour nous. Alors si vous pouviez nous éclairer... Soldat inconnu, oui. Tournez-vous, s'il vous plaît. Oh. Oh. Mmh. Oui, c'est limpide. Ce tatouage, c'est le plan de toutes les tranchées allemandes, avec les positions de l'artillerie, la grosse Bertha et tout le toutim. Birébi a remis mon avion en état de marche. Et c'est des cieux que je vous couvrirai. Il m'aime mieux que Dieu lui-même. Seigneur Marie-Joseph, vous aussi, vous blasphémez. Taisez-vous, mon père. On rassemble les hommes et on passe à l'attaque. Messieurs et mesdames, puisque vous avez tenu à être à nos côtés, j'ai été fier de combattre avec vous. Bon, ça va les discours, on y va mon capitaine, j'ai envie de me défouler moi. Moi j'ai faim, je me ferai bien du Bosch aujourd'hui. Moi faut que je remette la main sur ce petit caporal là, vous vous rappelez Hitler? Et là je le bute, je sens que ça pourrait être utile. Nous marcherons côte à côte, le spectre et moi. Nous nous unirons dans une apocalypse de feu et de flammes. Et moi, je vous accompagnerai d'un chant martial. À nous, Jésus, on ne pourrait pas quand même attendre la relève. Non, non. À raison. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Dixième et dernière salve avec Olivier Clavry, Pierre-Jean Pagès, Didier Brice, Laurent Ferraro, Julien Alouf, Donatien Guillot, Laurent Lederer, Alain Fromager, Lenka Luptakova, Catherine Tartarin, Philippe Ciboulet. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zang.